chez Zebra Mix. Salut, c'est Zebra. Comme tous les soirs pendant une demi-heure, c'est le mix rock et bootleg. Les bootlegs étant ces petites productions pirates mélangeant une chanson à une autre, souvent en mettant en valeur les similitudes qu'il y a entre différents morceaux. Comme par exemple ce soir avec le nouveau single de Franz Ferdinand, Do You Want To. Il fait pas penser à quelque chose ce morceau ? Résultat tout de suite dans Zebra Mix. Oh, well, I woke up tonight, I said I'm gonna make somebody love me. I'm gonna make somebody love me. And now I know, now I know, now I know, I know who to do. You're lucky, lucky, you're so lucky. Mm-hmm. screws go. I'm effective, irrespective. I'll go out dancing in the East End, looking for targets out of sight. A rhythm queen dancing burlesque, selling white lies in a strobe light. To sloppy water on the floor. And every time that the door banged, she said, give me one more, give me one more. We make the sound of the satellite breaking through gravity. I am Jagger 67. Ooh, I'm affected, you're selected. Bye. chaud ce soir. Ring My Bell in the Love Shack, un bootleg de Agro One. Et puis avant, Funky Town de Lips Inc, bootlegué par Chaos Productions et par Soul Wax, qui se retransforme en Too Many DJs le temps de ce remix de New York Excuse. Et on a entendu aussi le nouveau single des Infadels, une des révélations anglaises du moment, c'était Jagger 67. C'est toujours le Zebra Mix sur Wii FM, la radio rock. On continue avec Camille, As You Are, un de mes nouveaux bootlegs. Lève-toi, c'est décidé, laisse-moi te remplacer, je vais prendre ta douleur. Doucement, sans faire de bruit, comme on réveille la pluie, je vais prendre ta douleur, prendre ta douleur, je vais prendre ta douleur. Elle lutte, elle se débat, mais ne résistera pas, je vais bloquer l'ascenseur. another day. No fun on my bed. No fun. No fun on my bed. No fun. No fun to be alone, walking by myself. Les Too Many DJs, j'en parlais tout à l'heure avec ce remix de Soulwax, mais là c'est un de leurs tubes, No Fun avec Push It, qu'on trouvait sur leur disque sorti en 2002. Et puis avant les Stooges, les Kingsmen, les Wise Guys mélangés au Clash et aussi Hit. Et puis mon nouveau bootleg, Camille As You Are, mélangeant Camille à Nirvana, vous l'aurez reconnu. Voilà, c'est tout pour ce soir, je donne rendez-vous demain à 20h pour un nouveau Zebra Mix spécial Louise Attack. Ne loupez pas ça, il y aura du bootleg exclusif avec des titres de Louise Attack. Alors à demain à 20h, voici maintenant Boogie Night. Ciao. Et on y sera demain, ciao Zebra. It's all good, honey. It's all good. Hey ho! Let's go! Bonsoir à toutes, bonsoir à tous.